Ouais, gros. T'as une petite outro ou quoi pour ton projet là? La hesse là, poteau. Vas-y. Tu penses quoi? Petit freestyle, hein, je crois. À mon avis, c'est ce que j'avais pensé. Hein. Dernier recours, hein. Vas-y, hein, gros. Vas-y, on va s'amuser un peu là. Si, si, mais. Ah. Génération gros bras, gros pec, catcheur et trop de boulettes, footballeur, pro ou amateur, rappeur, foulec, Kamer, Galsen, Mali jusqu'au Comores, Maroc, Tunisie, c'est l'Algérie sur le semor. Je te fais un 16 bar à écouter des bars. Et ouais, je viens te mettre bien, encore mieux que ton sbar. Lâche pas l'affaire si t'es encore dans les études, le business c'est bien. À la longue, y'a plus de thunes. Quand t'es en hesse, les gens t'aiment bien pour la plupart. Mais quand tu brilles, attention, c'est là que les putes parlent. C'est samedi soir que sortent les michetos et les zoulettes. Ça raconte avec la voiture au daron pour une handzette. Ok, délire, hein. Ok, le rap, la drogue, l'argent facile, on a trouvé le filon. 92, ils escratent sur les plaquettes de pilon. Olsen, Holster, voici le monde et leur vie. Tous écrits pour niquer les justiciers et leurs petits. L'influence m'abrite, là où la sagesse m'a trahi. Mon culé, elle a failli, check un flic, tu seras ouest. Les cafards, les gyrophares, la routine, là où je crève. Je prends ce qu'il y a à prendre, je n'attends pas que crame la messe. Je vais faire les choses bien, dans le mal on est trop mécra. Mais pas des bédaveurs, pas des consommateurs d'extra. Je veux la vie facile, j'aime pas les choses compliquées. Dans les moments difficiles, y'a moyen de se broliquer. L'armurerie, musique et moi, on vient pour marquer le terrain. On voit les gueux, ce qu'il y a sur le tien, ferme ta gueule, ne dis rien. Le peur à mon terre-terre, donc voilà, ne me sauve pas. Sous le toit, Ngazidja, c'est un talent chez Fa. Aïe, aïe, aïe, aïe, talent chez Fa ou quoi? T'as pas quoi, Ngazidja, mzé? Tu viens pour marquer le terrain ou quoi? Ah ouais, hein? Avec Lucien ou quoi? Comme un chien qui pisse, hein? Adjac, Oscar, Massi ou quoi? Ah, ok, moi ça fait. Ok, ça fait. Eh, hey, me revoilà sur une prod lourde, fat, patate. Eh, hey, c'est le rap Zouz, toujours t'attaque. V'la Bagdad qui débarque dans les bacs. T'envoies mes lyrics, t'as du mal à amortir l'impact. Remballe si tu fais le susbit avec les hippos. Y'a pas de fumée sans feu si t'as l'essence, moi j'ai le zippo. Fais pas le bad boy, eh, hey, fais pas le showman. Tu fais le mec dans le din, mais ta meuf c'est une infoman. Ha, baba Bagdad, patate, j'attaque le mic. Si, si, si tu veux pomper mon style, madame, c'est dead man. C'est la triade que t'entends, pousse les basses. Encore une grosse caisse, bref, encore un sou qui te met des passes. Oh mon dieu, c'est un crime ça. C'est sultan, t'as la violence, bagneux, t'as la délinquance. Dans la vie civile, dans le rap soldat, t'as la résistance. J'suis pas une pinte, alors j'te donne toujours ça bien. J'suis pas une paire de 1, sans l'air, j'ai pas besoin de ton soutien. Que le rap me donne, c'est une, j'aime bien tomber sur sa caisse claire. Là où y'a l'illicite, c'est mon adresse, frère. Moi j'te brûle, mais me prends pas au premier degré. Y'a pire que Sarko, y'a Le Pen, y'a pire, y'a Bruno Maigret. On est des clapards, BZX, gang de barbares. Des sbars éblouis par les gyrophares. Mande à Scorp, la force du 9, deux mois action. Sultan impressionne, holster, très peu de choses nous étonnent. Depuis t'as sucé. Des pitchers kickés, des travaux criqués. Jamais l'essence et même les briquets. Impoli, poser ainsi c'est de la folie. Même si t'es pas bon à péter bonne, car reste des holies. Ile de France, on arrive dans tous les secteurs. Les gens sont des chétans et veulent la pince de monseigneur. Arrête ou. Ouais, moi je dis, faut laisser le taf au légiste maintenant. C'est déjà Bagdad, hein. Hein? Bagdad. Là-bas, y'a pas de légiste là-bas. Bagdad. Les légistes sont en babouche. Qu'est-ce que tu veux faire des légistes, mon pote? Il reste plus rien. Hein?